En fait, si occupato signifie occupé avec un e, ce n'est pas très difficile de retrouver le verbe qui lui correspond. Alors, quel est ce verbe, l'équivalent italien du verbe occuper? Occupare. Occupare, occupare. Alors, vous voyez que le ato italien équivaut au e du occupé français. Donc, si vous vouliez dire par exemple « j'ai occupé la maison », et d'abord, comment dit-on « j'ai « O » et « occupé » avec un « e »?« Occupato » La maison ?« La casa Ho occupato la casa ». Très bien. Donc, vous voyez que, en italien comme en français, il existe plusieurs temps pour décrire une action qui a eu lieu dans le passé. On peut dire par exemple « j'ai fait telle chose » ou bien « je faisais telle chose ». « J'ai fait », c'est ce qu'on appelle le passé composé, composé de deux éléments, de « et puis « fait », j'ai fait. Par contre, « je faisais », c'est ce qu'on appelle l'imparfait. C'est notre fameux temps des longueurs. Quand nous avons parlé des formes comme volevo, je voulais, potevo, je pouvais et dovevo, je devais, vous avez remarqué que pour la forme qui correspond à je, c'est la terminaison evo qui représente l'imparfait, cette espèce de ligne continue qui se déroule dans le passé. Il y a une différence entre cette ligne continue, par exemple « je mangeais », et le passé composé, qui représente un point précis dans le passé. « J'ai mangé »,« je n'ai pas mangé ». En italien, comme en français, pour former le passé composé, pour plonger dans le passé en quelque sorte, il faut sauter d'un plongeoir. Et ce plongeoir, c'est souvent le verbe avoir, avere. De là, vous plongez dans le passé, ce qui donne ho mangiato ou au contraire non ho mangiato. Ce mangiato qui sert à plonger dans le passé, c'est ce qu'on appelle un participe passé. Pour le former en italien, c'est tout simple. Si on a un verbe en are, comme occupare, que donne le participe passé, occupé, avec un e? Occupato. Occupato. Donc, vous voyez que la terminaison du participe passé est ato. Ato, parce qu'il vient d'un verbe en are, occupare. C'est la même chose pour mangiare. Mangiato. Mangiato. Par contre, dovere donne dovuto. Parce que généralement, la forme des verbes en ere, avec laquelle on plonge dans le passé, se termine en uto. U-T-O. Uto. Donc, potere donne potuto. Oui, potuto. Et volere? Voluto. Voluto. Et pour les verbes en ire, la forme avec laquelle on plonge dans le passé se termine généralement en ito, comme partire qui donne partito, ou comme finire qui donne finito. Finito. Très bien. Donc, are devient ato, ere devient uto et ire devient ito. Maintenant, comment diriez-vous « j'ai parlé avec vous »? Ho parlato con lei. Ho parlato con lei, c'est ça. Vous allez traduire aussi « j'ai acheté quelque chose pour vous ». Ho comprato. Quel est le verbe? Comment dit-on acheter? Comprare. Oui. Ah, comprato. Oui. Ho comprato qualcosa per lei. Oui, c'est ça. Ho comprato qualcosa per lei. J'ai acheté quelque chose pour vous. Comment diriez-vous maintenant « je n'ai pas acheté la voiture » Sachant que la voiture se dit « la macchina » comme la machine, mais avec deux C devant le H. La macchina. Non ho comprato la macchina. Bien. Non ho comprato la macchina.